Bon, mais bonjour, merci à tous d'être venus. Alors, comme on vous le disait, donc là on initie un cycle de conférences, il y en aura cinq sur le thème de l'archéologie. Alors aujourd'hui on va parler des tout premiers hommes en Europe. Le 1er décembre, j'aborderai une autre thématique que j'ai intitulée Quand la science vient en aide à l'archéologie. Et puis ensuite, c'est un collègue, Pablo Martí Corena, aussi archéologue, qui donnera les trois autres conférences, plus spécifiquement sur la préhistoire au Pays Basque. Donc il fera un zoom sur les sites locaux. Et puis après, il parlera de sa spécialité, les premiers paysans, le néolithique et la proto-histoire en Pays Basque. Et puis ensuite, il ira plus dans les méthodes de l'archéologie, pourquoi et à quoi ça sert, etc. Alors peut-être quelques... Je laisserai le soin à Pablo de se présenter lui-même, de présenter ses travaux. Et pour ma part, donc moi je suis docteur en physique appliquée à l'archéologie. J'étais diplômée à l'université de Bordeaux 3. Donc ça veut dire que ma spécialité en fait c'est la datation. Donc on va utiliser des méthodes issues de la physique, notamment de la radioactivité, pour apporter vraiment des jalons chronologiques à toutes ces grandes questions de la préhistoire. Donc en même temps, on ne peut pas être juste physicien quand on fait ça, il faut bien sûr comprendre les sites, aller sur les sites. Donc on a la double étiquette, comme moi par exemple, de physicien et archéologue en même temps. Voilà, du coup, après ma thèse, j'ai travaillé comme chercheur au CNRS de Bordeaux pendant 2 ans. Et puis ensuite, je suis partie à l'Institut Max Planck de Leipzig sous la direction du professeur Jean-Jacques Hublin. Peut-être vous connaissez parce qu'il est si le sujet vous intéresse, il est bien connu dans le domaine. Voilà, par contre maintenant j'ai choisi d'abandonner ce terrain qui est celui de la recherche pour me concentrer plus sur la médiation culturelle au sens large. Et ça je le fais au travers d'une agence qui s'appelle Trip in Euskadi. Donc on va avoir des actions aussi bien dans le domaine du tourisme que localement sur de la médiation scientifique, comme aujourd'hui par exemple. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, les tout premiers hommes en Europe. L'idée de cette première conférence, c'est vraiment de faire un état de la recherche sur la préhistoire qu'on va appeler ancienne. Je vais apporter quelques précisions à tout ça. Alors, évidemment, ce sujet, il est évidemment imbriqué et lié aux grandes, grandes, grandes questions qui concernent l'évolution humaine. Et l'image que vous pouvez voir ici à l'écran, elle est assez classique, je pense que tout le monde l'a vue, de cette évolution comme ça où on partirait du chimpanzé et puis peu à peu l'homme se soulèverait pour finir grand, la tête haute et fier de lui par l'homme moderne. Donc cette image de l'évolution humaine, elle est quand même assez confortable hein, pour l'esprit. Je dis que c'est assez facile de comprendre, on part d'un point et puis petit à petit, on évolue. Puis en plus, il y a ce présupposé qu'à la fin, sur l'homme moderne, on a atteint le summum de l'intelligence et on est aujourd'hui beaucoup plus intelligent qu'on l'était hier. Alors d'ailleurs, ces images, elles seront souvent à la fin assez ironiques dans les BD. On va dire que par exemple, aujourd'hui, on va régresser et redevenir un peu primate devant notre ordinateur. En tout cas, je pense que c'est bon de rappeler que cette image très très linéaire de l'évolution, elle est complètement fausse et qu'en fait, il va falloir être beaucoup plus inventif pour comprendre que l'évolution humaine, et dans le monde animal, c'est pareil, on est de toute façon des animaux, ça va plus être un schéma un peu comme ça. Alors, vous avez évidemment un ancêtre... Ah oui, on voit pas quand je fais ça. Un ancêtre commun qui va être bipède. Et puis à partir de ça, on a un schéma qui on va l'appeler arborescent, ça ressemble à un arbre comme ça, avec, vous voyez, toute une longue évolution et surtout des espèces qui apparaissent, qui disparaissent aussi, et parfois des espèces qui vont cohabiter ensemble et même sur les mêmes territoires. Alors, on connaît bien sûr la grande histoire de l'homme de Néandertal, européen, qui a disparu, mais qui aurait vécu en même temps que l'homme moderne sur un même territoire. Voilà. Alors tout ça est régi un peu par cette évolution humaine, par la grande théorie de Darwin au 19e siècle. Elle plaît pas beaucoup, notamment à l'Église, quand elle arrive, cette théorie, parce qu'on va replacer l'homme vraiment dans un grand domaine qui est celui de la vie en général et de l'évolution de la vie. Et donc, il va replacer l'homme au même titre que les animaux. Donc, au 19e siècle, au départ, ça ne part pas très très bien. Mais du coup, il va essayer d'expliquer sa théorie de manière assez simple. Si on peut retenir qu'une phrase, ça serait celle-ci. Ce n'est pas la plus forte ni la plus intelligente des espèces qui survivra, mais celle qui sera le plus apte à changer. Et lui-même donnera l'exemple de la girafe. La girafe, au départ, elle n'a pas un cou aussi long que celui qu'on lui connaît aujourd'hui. Attention, je parle de temps, d'échelles de temps qui sont immenses. Hein. Mais peu à peu, celles qui leur ont permis d'aller peut-être grappiller les arbres les plus hauts, ce sont les espèces qui ont perduré. Et ça, c'est vraiment l'adaptation du vivant à son environnement. Et c'est l'idée de la sélection naturelle. Alors aujourd'hui, on sait quand même que peut-être Darwin, il aurait été un peu loin, si vous voulez, dans son déterminisme. C'est-à-dire qu'on admet aujourd'hui que tout n'est pas dû au fait de l'environnement, de son climat, etc. Par contre, nous-mêmes, on a des petits vestiges, comme nos dents de sagesse, par exemple, qui nous embêtent beaucoup, généralement, à l'adolescence. Et ça, évidemment, c'était important quand il s'agissait d'avoir une nourriture carnée sur des viandes difficiles à mâcher. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Donc, vous voyez, d'ailleurs, la plupart du temps, on se les fait enlever. Et je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais a priori, peut-être qu'on n'en aura plus si on est encore là dans certains temps. Voilà un peu pour l'idée de Darwin, qui nous permet d'aboutir à, finalement, cette belle photo de famille. Alors, je vais utiliser souvent cette image et je voudrais dire que c'est un travail qui est vraiment très scientifique. Il est très beau aussi à voir, ce sont des reconstitutions. Mais c'est vraiment une personne qui travaille conjointement avec des anthropologues. Donc, la fidélité au niveau de la représentation des espèces, elle est au maximum de ce qu'on peut faire selon l'état de la recherche aujourd'hui. Et là, on se rend compte... Je suis désolée, j'ai pas de pointeur, je peux pas vous le montrer, mais par exemple, en haut à gauche, et notamment le petit enfant, ce sont des Néandertaliens. Donc on a souvent l'image des Néandertaliens, vraiment primates, sauvages, etc. Mais plus on avance dans les recherches, plus on part vers ce type de représentation. Donc on est quand même assez proche de nous. Alors moi, je me souviens que justement, le professeur Jean-Jacques Hublin me disait, parce que lui, c'est un anthropologue, que l'homme moderne, les tout premiers homo sapiens, ce qu'on voit en haut à droite, on pourrait tout à fait prendre le métro avec lui s'il était habillé comme nous, sans s'en rendre compte. Il m'a dit, par contre, un Néandertalien, en effet, peut-être qu'on changerait de wagon, mais on prendrait quand même le train. Donc vous voyez, c'est loin de l'image du sauvage poilu qui nous effraierait. Voilà un petit peu pour ce schéma-là. Alors après, dans tout ça, comment le définit le genre homo? Parce que je vous ai dit, donc il y en a plusieurs, homo ergaster, erectus, néandertalensis, homo sapiens. Donc évidemment, toujours, hein, pour la pensée humaine, c'est toujours plus pratique de classer les choses. Donc, le genre homo va se situer, lui, parmi les hominines, qui eux-mêmes font partie des homininés, avec cette proximité toujours existante avec les chimpanzés. Et nous-mêmes faisons partie du grand groupe des hominidés, qui comprend eux aussi les gorilles. Donc, on sait que dans les recherches en préhistoire ou sur l'évolution humaine, on nous compare souvent à ces grands singes, par nos filiations aussi génétiques, anthropologiques, etc. Alors du coup, dans cette classification-là des hominines, si on zoome un petit peu, on a le genre homo, certes, mais aussi les australopithèques. Et peut-être que le plus connu, c'est celle-ci, c'est Lucie, qui a été retrouvée dans l'Afar, en Éthiopie. Vous avez un petit zoom sur la carte. Alors Lucie, c'est une découverte vraiment extraordinaire qui date des années 70. On connaissait quand même plus ou moins l'existence des australopithèques. Là, c'est une fouille dirigée en plus cocorico par Yves Coppens, le français, Johansson et Maurice Taïeb. Et l'exception de cette découverte, c'est son squelette. Peut-être que ça paraît pas beaucoup, mais retrouver 40% d'un squelette qui a 3,2 millions d'années, c'est énorme. Donc ça fait avancer beaucoup, beaucoup la recherche sur ces racines, en fait, de l'évolution humaine. Et voilà la reconstitution qu'on peut avoir de Lucie. On sait aujourd'hui que Lucie, elle avait un mode de vie à la fois bipède, essentiellement aussi dans les arbres, mais pardon, un mode de vie essentiellement dans les arbres, mais aussi elle pouvait être bipède de temps en temps. Donc ça, ça nous dérange un peu parce qu'on aimait bien imaginer quand même que le genre Homo, c'était pas les Australopithèques, parce que Homo, il marche debout. Donc ça, on découvre Lucie, on se rend compte que c'est plus du tout le cas. Alors, on a trouvé peut-être une astuce à tout ça, parce que je vous ai dit, dans le genre Homo, on en a plusieurs. Alors, on va trouver à chaque fois des critères morphologiques, la taille du fémur, par exemple, la taille du crâne ou sa morphologie, pour différencier tous ces genres. Mais en plus de tout ça, il y a eu toute une mouvance de la recherche qui a voulu dire l'homme, lui, ce qui le caractérise, c'est qu'il fabrique des outils. Donc ça, c'est pratique et on reste encore dans cette un peu... je suis très critique, mais un peu quand même cette supériorité de dire ça nous va bien parce qu'il y a un petit côté intello derrière ça. On fabrique des outils, les autres ne savent pas le faire, ils sont sauvages. Or, en 2009, on a une autre découverte, une autre Australopithèque. Lucie, elle est Afarensis. Là, ce n'est pas le cas, mais c'est toujours le même grand groupe. Et on a découvert, toujours en Afrique, un autre Australopithèque qui s'appelle Selam. Et par contre, il était associé à des ossements d'animaux, donc vaches et plus petits, chèvres, qui présentaient des marques d'outils. Alors vous me direz, on n'a pas les outils en effet, mais on est quand même sur la voie de la recherche qui tenterait de montrer que les Australopithèques eux-mêmes pouvaient peut-être fabriquer des outils. Bon, ça, c'est des études qui sont quand même, il faut le dire, très fragiles. Elles sont extraordinaires parce qu'elles permettent d'ouvrir une question à tout un champ qui jusque-là a été inexploré. Mais certains chercheurs ont rétorqué que ces traces leur faisaient plus penser à des traces de dents de crocodile. Donc évidemment, les raccourcis peuvent être directs. Donc, moi, je ne vous présente pas toute l'étude. Derrière, évidemment, il y a des études en... tracéologie, ça s'appelle. Donc il y a vraiment des spécialistes, des traces livrées par les outils. En tout cas, ça nous semble un peu bancal, cette histoire du genre Homo qui fabrique des outils. Et puis, il faut toujours faire attention aux anachronismes. C'est vrai, l'anachronisme, c'est comparer ce qu'on connaît aujourd'hui et se dire que c'était pareil avant. Mais quand je travaillais en Allemagne, par exemple, notre département, qui s'appelait l'évolution humaine, était juste à l'étage au-dessus de celui des primatologues. Et c'était vraiment un désir presque politique de la recherche en Allemagne, du Max Planck, parce qu'il voulait cette proximité. Et même à table, on avait des grands écrans comme ça où on pouvait voir des chimpanzés dans leur environnement. Et en fait, plus on les étudie, plus les primatologues avancent là-dedans. Évidemment, on connaît les travaux de Jane Goodall, elle est très très connue là-dedans. Et plus on se rend compte que les a priori qu'on avait sur leur capacité limitée à fabriquer de l'outillage, on les abandonne. On voit aujourd'hui des choses, des outils fabriqués qui demandent vraiment quand même une pensée. C'est pas du hasard, c'est pas jeté, se dire tiens ça coupe c'est ok. Non, sur les chimpanzés. Donc tout ça quand même, ça permet d'affaiblir grandement cette histoire du genre Homo et de ses différences avec le passé. Alors je reviens un peu sur cette carte, parce que Oyan, ici présent, il y a quelques jours me demandait, mais en fait, le premier homme, c'était un homme ou une femme? Alors comme je n'avais pas trop la patience, je lui ai dit, mais je te répondrai un autre jour. Mais c'est le plus petit de l'assistance et il avait bien raison de poser cette question. Et bien c'était tous les deux, et là on se rend compte que l'homme Homo sapiens, comme on est nous, il est tout au bout de la chaîne. Et juste avant ça, on a du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup de genres homo différents, et il y avait des hommes et des femmes, et c'est cette adaptation qui a fait qu'on a changé. Alors, je voudrais préciser qu'aujourd'hui, du coup, quand on parle des tout premiers peuplements en Europe, moi, je ne vais pas focaliser sur Homo sapiens, c'est trop jeune pour moi. On va parler des autres espèces, c'est vraiment des toutes premières traces, donc, de population du genre homo. Alors, on a été très critique, mais quand même... On va partir sur les fondamentaux. Quelles sont les premières traces, donc, du coup, d'outillage qu'on ait? Toujours en Afrique, toujours entre l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya, sur la vallée du Rift. Et on va avoir comme ça des outils qu'on appelle des galets aménagés, des shoppers ou shopping tools. Après, c'est très technique tout ça. Pour finalement quelque chose d'assez sommaire, comme vous pouvez le voir quand même sur le schéma. Mais ça, c'est nos premiers outils. Voilà. On a en par percussion, on va réussir à retrouver un tranchant. C'est le but. On veut couper de toute façon. Donc les premières traces que l'on en ait, elles sont datées à 2,6 millions d'années. Et on va les mettre dans un grand groupe qui s'appelle les industries de mode 1. Voilà, les plus anciens outils qu'on connaisse. Alors, je voudrais quand même vous, à l'image de cet outillage, vous rappeler que quand on le voit, c'est vrai, ça nous semble très simple. Il faut faire très très attention quand on fouille un site et qu'on retrouve ce genre d'objet, parce qu'on va avoir beaucoup de mal à faire la différence entre ce qu'on appellera un géofact et un artefact. Par exemple, on a des sites très controversés, je pense à la Chine ou je pense aujourd'hui aux premières traces qu'on connaît au Brésil, où on repousse beaucoup ces dates de première occupation humaine sur la base d'outils comme ça. Mais ce sont des sites qui sont en pied de falaise. Alors, on n'est pas à l'abri aussi que ces tailles se soient faites par des chutes de pierre, tout simplement. Donc, vraiment, c'est un travail qui paraît très sommaire, mais qui, en fait, pour le préhistorien, est très, très compliqué de retrouver la trace de l'homme dans cette action. L'immense chance qu'il y a, c'est vrai qu'on parle tout le temps de l'Est africain pour ses premiers sites, le berceau de l'humanité, etc. Il faut bien s'imaginer que quand on parle de berceau de l'humanité, il faut se dire c'est juste ce qu'on a retrouvé pour l'instant. Et la chance qu'on a avec toute cette vallée du Rift, c'est d'avoir un contexte à la fois géologique, sédimentaire, hyper favorable à la conservation des vestiges. Donc, les préhistoriens, nous, on n'aime pas trop ces termes-là parce qu'on se dit que, en effet, si dans d'autres régions, on n'a pas d'évidence de pièces aussi anciennes, c'est aussi peut-être pour des raisons de conservation. Alors, pourquoi la vallée du Rift, c'est vraiment idéal comme contexte? Donc, vous avez un rift, vraiment. Donc, au niveau de la géologie, voilà, vous avez des occupations humaines. Donc des hommes qui laissent des traces, des outils, voire même eux-mêmes, leur squelette. Et puis ensuite, par étapes, comme ça, tous les 200 000 ans, je dis à peu près n'importe quoi, mais de manière assez cyclique, on va avoir en plus une activité volcanique qui va déposer des cendres, sceller tout ça, puis une autre occupation, etc. Et ce qu'on sait très très bien faire en science aujourd'hui, en chronologie en tout cas, c'est dater les dépôts de cendres. Pour le reste, on a un peu plus de mal, mais les dépôts de cendres, il n'y a pas de problème. Donc ces sites, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils sont absolument pas controversés, ils sont fiables à 100% sur ces recherches. Et on n'a pas de problème, de problématiques, de géofacts, etc. Donc après, évidemment, il y a beaucoup de chercheurs qui s'y intéressent parce que au-delà du fait de retrouver un site, un objet et de le dater, il faut le mettre en contexte. Quand vous retrouvez un galet, évidemment, la première question que vous vous posez, c'est où ils sont allés chercher cette matière première? Ont-ils fait 5, 10, 100 km pour ça? Est-ce qu'ils ont fait un choix? Voilà. Donc voilà un peu pour les toutes premières traces en Afrique. On va retenir cette date de 2,6 millions. On essaye de s'approcher un petit peu maintenant de ce qui se passe en Europe, de rentrer dans le vif du sujet. Alors, en Europe, on aime bien découper le temps de la préhistoire de la manière suivante. On parle de paléolithique, donc toute l'époque de la pierre taillée, avec un paléolithique ancien. Avant, on l'appelait inférieur, mais du coup, on n'aime pas trop ces termes de supériorité. Donc, un paléolithique ancien. Ensuite, on a une marque entre le paléolithique ancien et le paléolithique moyen, autour de 350 000 ans. Alors, pourquoi? Parce qu'au niveau technologique, vraiment, sur la taille de la pierre, on va complètement changer de système. Là, on sera sur un système levallois et comparé aux galets aménagés qu'on a, c'est vraiment à partir d'un bloc de pierre, si vous voulez, pour l'expliquer très simplement, on va être complètement optimal sur le nombre de lames qu'on va pouvoir récupérer, etc. Donc là, culturellement et technologiquement parlant, c'est un autre monde. Et puis ensuite, vous avez la coexistence homme de Néandertal et surtout l'arrivée d'Homo sapiens autour de 45 000 ans, qui marque le début du paléolithique récent. Voilà. Donc nous, la question d'aujourd'hui, c'est un peu de replacer si on arrive à bien marquer, en fait, si vous voulez, entre le paléolithique ancien, paléolithique moyen, et le paléolithique moyen et le récent, des datations comme ça, qu'en est-il du tout début de ce paléolithique ancien ? Alors, on a un grand combat dans le milieu, parce que pendant très longtemps, il y avait des tenants d'une chronologie courte qui estimaient qu'aucun site archéologique fiable pouvait être mis en avant et pouvait démontrer une existence des premières traces humaines sur le territoire européen avant 500 000 ans. Pendant que d'autres continuaient de fouiller des sites, à galer, à aménager, à essayer de les dater, etc. Mais les choses étaient assez faibles, dirons-nous, pour que le combat existe toujours. Alors par contre, voilà maintenant où on en est aujourd'hui, en 2018. Donc ça va être la carte qui va représenter la première mondialisation, si on peut dire. Alors c'est vrai qu'on a peu de sites. Vous avez donc depuis l'Afrique, il y en a 2,6 millions d'années, des choses qui vont graviter autour du million d'années quand même, sur l'Europe et même un peu plus vieux en Asie. En Asie, on pourrait en parler longtemps, mais ça ne va pas être le sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, je vais focaliser sur un site qui est situé en Géorgie, qui s'appelle Dmanisi, et qui lui est daté à 1,8 million d'années. Donc ce site, il faut remettre les choses en contexte, hein. Il a été découvert et surtout étudié à partir de la fin des années 90. Donc ce sont des informations vraiment toutes récentes et il est absolument exceptionnel. On est là en Géorgie, donc entre la Turquie et la Russie, avec beaucoup de vestiges humains retrouvés qui auraient des caractères assez proches de l'Homo erectus en Afrique, un outillage de galets aménagés comme on le connaît, et puis une date extrêmement ancienne, 1,8 million d'années. Donc là, on n'est pas très loin de ce qu'on connaît en Afrique. Si vous voulez, ça, c'était pas un gros dépaysement. Donc on pourrait quand même se dire que c'est une des premières évidences qu'on ait de sortie d'Afrique. Alors encore une fois, pourquoi ce site il est incontestable et qui du coup il amenuise quand même beaucoup les tenants de la chronologie courte ? Parce que donc un site, on le représente toujours comme ça en archéologie, on va en faire un croquis, donc un schéma stratigraphique, vous avez l'ensemble des couches. Et on a eu de l'éruption volcanique, je vous ai dit, ça on sait très bien faire. Donc avant d'avoir vos dépôts archéologiques, vous avez une couche de basalte qui est datée à 1,85 million d'années. Mais vous me direz, ça n'est qu'une date à partir de quelque part. La chance qu'on a eue, c'est que tous ces vestiges archéologiques qui se sont retrouvés scellés dans une autre coulée volcanique, plutôt cendreuse, donc elle a permis de conserver les vestiges, elle datait à 1,8 million d'années. Le tout scellé par une couche de limon. Donc la stratigraphie, elle ne fait pas de doute à Dmanisi. L'âge de ce site ne fait pas de doute. Mais il faut dire quand même que les opposants, quelque part, à cette théorie avaient bien raison d'avoir des doutes au départ, parce qu'on a connu quand même en recherche des épisodes moins glorieux, comme avec l'histoire du crâne de Sepranos en Italie. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était le plus ancien fossile européen qu'on avait, daté à 800 000 ans, toujours avec cette histoire de couche de basalte, qui était située, si vous voulez, au-dessus de ce crâne. Donc à ce moment-là, au-dessus du crâne, on est forcément plus vieux que 800 000 ans. Par contre, ce qui était un peu mal expliqué, c'est cette stratigraphie. En fait, cette couche de basalte, elle avait été datée, certes, mais à une certaine distance du vestige lui-même. Et en fait, c'est là où il faut faire intervenir, voilà, vraiment tout un staff, quelque part, des géologues, des sédimentologues, etc. Il y a eu des processus taphonomiques. La taphonomie, c'est tout ce qui se passe après que la Terre se soit accumulée. Qui ont fait que ce crâne s'est déplacé et donc il n'est plus du tout daté à 800 000 ans, il est quelque part plus du tout à sa place, et ça c'est des nouvelles recherches qui l'ont montré, et il serait daté plutôt aux alentours des 350 000 ans. Donc c'est dire si une datation, quand même, ça peut amener à des conclusions complètement différentes. Toujours est-il que pour de Manissi, on est quand même sur quelque chose de très très sûr. Alors on va regarder un peu, là on fait un petit panel comme ça des sites, et puis après on va voir un peu comment l'histoire va s'imbriquer avec tout ça. Là on va faire un focus sur la péninsule ibérique, donc l'Espagne, qui sur cette thématique livre quand même des sites assez exceptionnels. Le premier dont on va parler, c'est le site d'Orsay en Andalousie, donc au sud de l'Espagne. Il a livré lui aussi, là votre œil commence à être habitué, une industrie de galets aménagés, datée à 1,3 million d'années. Par contre, on n'a pas de fossiles humains. Donc c'est vrai, on les aime moins quand même ces sites. Parce que quand on a le vestige humain associé en plus à son outillage, c'est le top. Mais je reviens un peu sur cette carte, vous voyez, sur les points rouges, en fait, seuls les carrés représentent les sites où il y a des vestiges humains. Donc on en a quand même très très peu. Mais on en a un autre en Espagne, près de Burgos, qui s'appelle Atapuerca. Alors Atapuerca, c'est un gisement exceptionnel, fouillé très récemment aussi, découvert très récemment, il y a une vingtaine d'années à peine. Les sites les plus connus, alors c'est pas seulement un site, c'est tout un complexe de sites qui a été retrouvé. Ça va être ceux de la Galería, Grandolina, Cima del Elefante et Cima de los Huesos. Alors vous voyez en plus sur un seul et même endroit, je sais pas si vous pouvez apercevoir les datations, on a de tout, 200 000, 400 000, 1 million d'années. C'est un terrain de jeu exceptionnel pour les préhistoriens, ce site. Et là, dans notre thématique, on va retenir le plus ancien, qui est la Cima del Elefante. On a quand même retrouvé une mandibule, toujours associée à cette industrie de mode 1. Donc on commence à avoir, à partir de 1,8 million d'années à Dmanissi, 1,3 à Orsay, un autre site en Espagne comme ça commence à faire lourd, si vous voulez, pour montrer des évidences quand même de traces et de présence humaine très anciennes sur le territoire. Qu'est-ce qu'on a en France? En France, on a des sites quand même très connus, comme la grotte du Vallonnet, qui est près de Nice, sud-est de la France. Vous allez à photo en bas. Et puis le site de Pont de Lavaux, qui ont livré des industries du même type, toujours datées autour du million d'années. Voilà, mais qui restaient un petit peu en suspens tant qu'on n'avait pas ces sites avec ces fossiles humains un peu qui venaient renforcer cette théorie autour. Alors je vous le disais, on fait un point. On aurait quand même bien envie à ce stade d'imaginer une sortie d'Afrique autour de peut-être 2 millions d'années. Et puis comme ça, une colonisation du territoire à la fois sur la partie asiatique et la partie européenne. D'un point de vue anthropologique, on n'a pas beaucoup d'éléments. On dit que à Dmanissi, on retrouve des homos assez proches des Homo erectus, mais quand même assez éloignés aussi, si bien que certains anthropologues ont même envie de l'appeler Homo georgicus, pour en faire un nouveau. Mais je vous le redis, on adore classer les choses. Donc à chaque fois que vous avez un critère morphologique différent, peut-être qu'on pourrait ouvrir une case différente. S'il y avait des anthropologues dans la salle, ils me tortureraient de dire quelque chose comme ça. Mais quand même, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'ensembles différents. Maintenant, c'est très compliqué d'associer aussi cette mandibule à cet Homo georgicus. Et en plus, on est en train de parler sur des temps très longs. C'est vrai que de 1,8 à 1,3 million d'années, vous me direz comme ça, quand on en parle, ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même 500 000 ans. Donc on peut très bien avoir aussi un gros laps de temps ou de discontinuité, si vous voulez, de ce peuplement. On a envie de les tracer ces flèches, mais ça reste un modèle, parce qu'on n'a pas cette résolution assez fine quand même, ni une population assez grande pour pouvoir la tester. Alors par contre, sur une autre période de temps, on va avoir beaucoup plus de sites. On est là entre 780 000 ans et 500 000 ans. Et il faut que vous regardiez à ce moment-là tous les points bleus. Vous remarquerez que tous les points bleus, ce n'est pas des points d'ailleurs, justement l'intérêt c'est que c'est des carrés. Et donc du coup on a tant de sites que cette fois-là, j'ai pu me permettre de noter que ceux qui rassemblaient à la fois des vestiges humains et des industries lithiques. On passe complètement à un autre monde à ce moment-là, même au niveau de l'outillage, vous allez le voir. Et d'abord, je voudrais faire un petit aparté parce que pourquoi je vais précisément comme ça à 780 000, vous me direz pourquoi j'ai pas arrondi à 800 000, après tout, pourquoi pas. Petite parenthèse quand même sur la chronologie, encore une fois. Sur des temps très longs, bon, évidemment, la Terre a un champ magnétique avec une certaine polarité, et cette polarité, elle a changé parfois au cours du temps. Et ça, c'est des super repères chronologiques pour les préhistoriens, pour savoir où on en est. Je vous ai dit, on arrive très très bien à dater les coulées de lave et les cendres volcaniques, mais toutes les régions ne sont pas volcaniques. Donc, que fait-on des sites où on n'a pas ce contexte-là? Eh bien, il peut arriver parfois qu'on utilise vraiment sur une stratigraphie, donc une grande séquence sédimentaire, on va faire beaucoup de mesures de magnétisme et on va pouvoir repérer ces inversions magnétiques passées. Et à 780 000 ans, on a une grosse inversion qui s'appelle l'inversion de Brunei-Tuyama. Et donc pour nous, elle est très très pratique parce qu'en fonction du fait que les vestiges vont être au-dessus ou au-dessous, on va savoir chronologiquement où on en est. Donc c'est pour ça que je cadre les choses un peu en donnant ce 780 000-500 000. On revient sur Atapuerca, je vous ai dit, ce site, il est absolument exceptionnel. Donc sur cette période de temps, on était sur Cima del Elefante, là on va être sur Galleria, Cima de los Huesos, etc. On a énormément de vestiges humains qui ont révolutionné un petit peu l'histoire de l'évolution humaine, en tout cas en Europe, parce que là on a défini complètement un genre nouveau qui a été appelé Homo antecessor par les responsables de fouilles des sites d'Atapuerca, et qui sont enfin considérés comme étant plutôt des pré-néandertaliens pour d'autres anthropologues. Donc ce serait un petit peu les racines européennes de ces néandertaliens qu'on aurait pas très loin d'ici, hein, à Atapuerca. Alors, à tous les niveaux, il est exceptionnel ce site. On a retrouvé, donc je vous le disais, beaucoup, beaucoup de vestiges humains au fond d'une fosse, associés parfois à des objets lithiques comme ça. Et du coup, là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans le galet aménagé. On est dans un biface. Ça, on le connaît bien. Et celui-là, il est quand même particulièrement beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, par sa couleur, etc. Et il a été retrouvé dans cette fosse, du coup, avec beaucoup de vestiges humains. Donc, en plus, ça pose la question de savoir si on n'est pas là avec une des premières traces de pensée vraiment symbolique face à la mort. Donc on n'est pas dans de l'inhumation comme on peut connaître plus tard, mais ça permet de poser la question, pourquoi avoir jeté ce biface aussi beau? D'ailleurs, on n'a pas retrouvé de traces d'utilisation sur ce biface-là. Parce que sur d'autres, on peut même retrouver les traces de boucherie. Donc celui-là, il n'avait pas l'air d'être très utilitaire, en tout cas. Pareil, première trace de cannibalisme retrouvée à Tapuerca, enfin un site assez exceptionnel. Mais c'est quelque part presque une parenthèse, parce que là on est en train d'essayer de faire une synthèse. Alors ce qu'on va retenir de ça, c'est qu'à Atapuerca, on a aussi des bifaces. Et qu'à partir de 780 000, 500 000, on va avoir des sites qu'on appellera Acheuléens, donc tout un autre monde, avec ces industries lithiques à bifaces. Et on peut imaginer, en prenant cet outil, qu'il est quand même plus pratique qu'un galet aménagé. Et en plus, le galet aménagé, il faut que vous trouviez au départ quand même le module qui corresponde bien à votre outil final. Alors que là, quelque part, vous avez un gisement, vous pouvez plus vite vous accommoder de la matière première que vous avez pour créer un outil. Alors, on en a beaucoup d'autres des sites comme ça, je ne peux pas tous les répertorier, mais peut-être que vous connaissez celui de Tautavel, avec la Cône de l'Arago, donc on est près de Perpignan. Et c'est Henri de Lemley qui l'a découvert, hein, et qui était pendant très longtemps au Musée national d'histoire naturelle de Paris. Donc pareil, beaucoup de bifaces, beaucoup de vestiges humains. Difficile de replacer aussi ces vestiges. Et ce site, il a été découvert bien avant Atapuerca, par exemple. Il est resté comme ça un peu isolé en France avec un gros point d'interrogation, mais d'où ça sort? Et on n'a pas de site aussi ancien à proximité. Alors, je vous ai dit, moi, je pourrais pas tous les lister, mais du coup, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur cette carte qui va être une carte de répartition de tous les bifaces qu'on a retrouvés dans le monde. Alors, on en a beaucoup en Afrique, toujours, avec le plus ancien, 1,6 million en Tanzanie. Donc, sur les gorges d'Olduvai, on a retrouvé énormément de choses. Et puis, vous voyez, sur toute la péninsule arabique, on en a, et en Europe. Même question. On va se demander, alors, à ce niveau-là, on va se demander, est-ce que, et là, on va en arriver à cette synthèse, est-ce que, finalement, ces industries qu'on appelle acheuléennes, elles ont quelque chose de culturel ? Par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à plein d'endroits du monde comme ça, on arrive aux mêmes solutions techniques au bout d'un moment, à partir de 780 000 ans, un petit peu par hasard, alors qu'on a des populations un peu partout qui, avant ça, étaient dans les galets aménagés? Ou est-ce qu'on aurait deux, par exemple, out of Africa, on l'appelle souvent comme ça, cette théorie, la sortie d'Afrique. On aurait une première sortie d'Afrique avec ces galets aménagés, hop, hop, hop, on colonise. Et puis après, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a une continuité ou pas de la population, du peuplement. Est-ce qu'on aurait une deuxième vague de population, si on aime bien cette théorie très diffusionniste qui sort encore d'Afrique avec l'acheuléen ? Ou alors, est-ce que tout simplement, ces solutions techniques, elles sont dues juste aux contraintes de la matière première et qu'elles n'ont rien de culturel du tout ? Donc ça, quelque part, avec les sites que l'on a aujourd'hui, je suis désolée, en fait j'aurais bien aimé amener un grand scoop, mais c'est des questions qu'on se pose quand même toujours. Et donc c'est là où c'est très important d'affiner, que la recherche prend du temps, parce qu'il faut affiner à la fois les chronologies, il faut affiner la recherche en géologie pour bien placer tous ces sites, il faut affiner toutes les études de ces objets pour voir s'ils ont été utilisés, etc. Et faire aussi, on va revenir au basique, de l'expérimentation. Il y a très très peu de gens aujourd'hui, parmi même les chercheurs, qui savent tailler, comme on le faisait à l'époque. Donc quand on a l'impression que c'est simple, c'est assez prétentieux de dire ça, parce que moi je vous mets au défi de faire un biface, même un galet aménagé. C'est très compliqué. Et plus on va avancer dans le temps, c'est vrai, par exemple, la méthode Levallois, alors là, je crois qu'aujourd'hui, il reste moins de 5 personnes qui, par exemple, en France, sont capables de répéter ces gestes. Donc, eux aussi, ils vont avoir un regard très intéressant pour savoir si la transmission, elle est importante là-dedans, ou si on arrive assez naturellement à trouver les mêmes solutions techniques dans plusieurs endroits du monde. Et ça, c'est des façons de penser des chercheurs qui vont être très, très différentes. Voilà, alors après, ces questions, c'est vrai que c'est très intéressant de les regarder à grande échelle, quand on met des cartes du monde, des cartes d'Europe, etc. Mais il faut dire aussi que c'est très intéressant de faire des zooms régionaux. Parce que là, on va pouvoir regarder plus finement un petit peu comment ça se passe. On a beaucoup de chance parce que on a un site qui nous permet de discuter de tout ça, qui est très très proche de nous, dans le Pays Basque, à Saint-Pierre-d'Irube. Donc sur le plateau, c'est le site préventif qui a été fouillé juste avant la construction de la clinique Capio, donc Bellara, que vous devez tous connaître. Voilà à quoi ça ressemblait juste avant les travaux. Donc là, c'est l'INRAP qui a pris en main ces fouilles. L'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Donc le préventif, c'est vraiment de la fouille de sauvetage. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir... Il y a de la pelleteuse, etc. Mais vous pouvez voir aussi sur l'autre image quand même que aussi bien on sait aller vite sur ces terrains, mais on sait s'arrêter aussi quand il faut et fouiller assez finement pour récolter les informations nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé ? Beaucoup de choses sur ces séquences. Beaucoup de choses relatives à la préhistoire et la préhistoire ancienne. Alors, au début, évidemment, vous ne pouvez pas caler tout ça dans le temps. On n'a pas beaucoup de sites quand même au Pays Basque ancien. On connaît évidemment Isturitz, etc. Mais ils sont surtout connus pour l'arrivée de l'homme moderne. Mais sur ces périodes-là, c'est un peu le vide. Alors que, comme je vous le disais, après tout, on n'est pas loin d'Atapuerca. Burgos, c'est 300 km à peu près. Voilà. Donc là, c'était vraiment une opportunité d'aller étudier un peu ça. Surtout qu'on retrouve des industries de ce type-là, avec, vous voyez, donc des bifaces et des choses un peu plus... un peu différentes, qui se rapprocheraient de ce qu'on connaît des hachereaux. Alors un hachereau, c'est différent, vous avez un tranchant transversal comme ça. Et on n'en retrouve pas partout. Alors, c'est vrai que cette industrie, elle a été qualifiée quand même de assez, quelque part, sommaire. Mais elle a le mérite d'exister. Et puis surtout, on en est où dans l'échelle chronologique avec ces industries-là? Et en plus, elle rappelait très bien donc, au directeur de la fouille, qui est David Coulonge, qui a beaucoup travaillé sur un hachelien de type pyrénéo-garonnais. Donc lui et son équipe, à force de fouilles, etc., et d'analyse sur l'outillage lithique, ils ont trouvé une certaine cohérence avec des industries anciennes, sans pour autant qu'on puisse les dater précisément. Une cohérence peut-être même culturelle, qui mêlait à la fois des bifaces et des hachereaux. Et voyez ici, vous avez une carte de répartition des hachereaux, donc on en a en Afrique, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est un petit peu différente quand même de celle des bifaces, et on en a surtout dans le sud de l'Europe. Donc cette carte avec ce rouge comme ça, elle dessine presque une flèche là pour le coup. Donc la grande question c'est, a-t-on une filiation avec ces industries pyrénéo-garonnaises avec celle de l'Espagne par exemple? Est-ce qu'on est chronologiquement à peu près dans les mêmes clous? Du coup c'est là qu'évidemment il faut intervenir pour dater. Alors là vous voyez hein, la séquence elle a un... Comme je vous le disais tout à l'heure, rien de spectaculaire. D'ailleurs, on peut se demander mais pourquoi on a mis des trous à ces endroits-là. Et au niveau géologique, ça a été un terrain très très compliqué à comprendre. Et en plus, vous pouvez le voir parfois, vous avez même, ben, évidemment, hein, c'est ça la taphonomie, les terrains ne restent jamais très stables comme ça, des infiltrations. Donc, il faut être très très précautionneux et avoir une méthode scientifique très rigoureuse à ce moment-là pour faire les prélèvements au bon endroit, pour s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés. Parce que là, on a ni coulée volcanique, on n'a pas pu faire de magnétisme, et puis il y a encore fallait-il qu'on atteigne les 780 000 ans pour pouvoir voir des choses. Donc là, il nous reste d'autres méthodes qu'on est en train de développer, et c'était par exemple le sujet de ma thèse, donc pour pouvoir dater vraiment les dépôts sédimentaires, vraiment le dépôt de la Terre, toujours basé sur des méthodes issues de la radioactivité. Et donc là, on a vu avec toutes ces analyses qu'en fait, ces industries, elles étaient plus autour de 200 000 ans. Et comme d'ailleurs tout le schéma qu'on avait pour l'hachelien pyrénéo-garonnais. Donc localement, ces questions, elles sont très intéressantes parce que maintenant qu'on a ces données, on réouvre un petit peu la question. Est-ce que la chaîne pyrénéenne était vraiment une frontière aussi à tout ça? Est-ce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait des bifaces à Atapuerca, mais on fait des bifaces différents dans l'hachelien pyrénéo-garonnais. Pourquoi? Parce que la matière première n'est pas la même ou parce que culturellement, on a déjà un ensemble. Voilà. Et ça, on a beaucoup de facilité à le comprendre sur des périodes de l'archéologie plus récentes. Voilà, avec, je ne sais pas, bon, le monde byzantin, etc., des cultures. Mais peut-être que ça a pu exister aussi à ces périodes paléolithiques. Donc après, comme on a des vestiges quand même très fragmentaires, on préfère parler de techno-complexe culturel. Pour se dire, attention, on parle de culture, mais on parle des objets qu'on a. Parce que tout ce qui nous reste de la pensée symbolique autour, des comportements humains, c'est très fragmentaire. Déjà qu'on a du mal à retrouver des vestiges humains. Donc on reste prudent en parlant de ça. Mais en tout cas, en plaçant un petit peu chronologiquement les événements et tout ça lié aux études des objets qu'on retrouve, on arrive quand même à, si ce n'est pas établir des modèles sûrs, mais au moins en discuter. Évidemment, le but avec toutes ces recherches, c'est pas de parler un jargon compliqué, etc., mais on est obligé d'y passer parfois. Mais au final, ce qu'on veut, c'est évidemment raconter l'histoire de l'humanité, de l'homme, de ses modes de vie. Dans quel environnement il vivait. Aujourd'hui, on avait une heure pour en parler, donc on n'a pas pu trop aborder toutes ces questions liées aux environnements passés, comment on arrive à reconstituer des environnements passés à travers la géologie, l'archéozoologie, qui va chercher à retrouver les traces des animaux qui vivaient à cette époque. Et le message que je voudrais faire passer vraiment en bilan, c'est que pour comprendre un petit peu cette carte, cette photo de famille, il faut évidemment fouiller des sites, il faut comprendre leur contexte, il faut les positionner dans le temps, définir les environnements qui existaient par le passé et comprendre les comportements techniques et culturels. Et ça se fait pas avec un préhistorien, un archéologue, comme on dit en général, ça se fait avec une équipe vraiment pluridisciplinaire. Parce qu'il va nous falloir évidemment des géologues. On a eu des exemples de conclusions qui pouvaient être trop hâtives si on étudiait mal les stratigraphies. Des lithiciens, ceux qui vont être vraiment spécialisés dans la technique de la pierre taillée. Des archéozoologues, qui eux seront des spécialistes des ossements d'animaux. Des chronologues, des anthropologues, des tracéologues, et j'ai pas cité tout le monde. Voilà. Ben, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, c'est les questions, si vous en avez. Saint-Pierre-des-Rubes, vous n'avez pas trouvé de vestiges humains? Non. Que des traces de... Non. Et sinon, on l'aurait beaucoup plus médiatisé. Mais non, par contre, moi, j'étais très restrictive sur Saint-Pierre-des-Rubes. J'ai parlé vraiment des industries les plus anciennes que l'on ait, parce que c'était notre sujet aujourd'hui. Mais on a trouvé aussi d'autres types d'industries associées au paléolithique moyen et même au paléolithique supérieur. Et l'intérêt, c'est qu'il y a une industrie, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à Saint-Pierre-d'Irube, qui est très très proche de ce qu'on appelle le Vasconien. Alors le Vasconien, c'est aussi CHRO, mais à des périodes beaucoup plus récentes du Paléolithique, quelque part avec un objet plus fin. Moi j'en parle mal en fait du lithique, hein. Je n'ai pas vraiment les termes, etc. Quelqu'un de spécialiste là-dedans l'expliquerait différemment. Mais qu'on a retrouvé aussi à Ola, à Cambo, sur un site de Cambo-les-Bains, et dans tout le Pays basque. Donc c'est pour ça que ces industries, elles ont été appelées vasconiens et elles sont en train d'être étudiées par une jeune chercheuse qui s'appelle Marianne Deschamps, en ce moment, qui justement s'intéresse à ces questions aussi culturelles. Et pour essayer de voir aussi l'étendue de ces industries vasconiennes. Parce qu'on a tendance quand même à se dire Pays basque avec la frontière qu'on connaît aujourd'hui, mais quand on parle de ces périodes, etc., faut plus, et même de Vasconien, il faut plus s'imaginer un quart sud-ouest. Alors la Dordogne, c'est un autre monde aussi, hein. Mais Pyrénées-Garonnais, c'était pas mal pour définir tout ça. À quelle profondeur ça a été découvert, ces outils taillés de son maison? Alors là, pour le coup, comme je vous ai dit, c'était un terrain géologiquement compliqué et du coup, la profondeur, elle ne veut pas dire grand-chose parce que par rapport à du niveau de sol, on pouvait avoir des vestiges de 200 000 ans qui pouvaient être je l'ai plus la mémoire, hein, mais je vais vous dire 70 cm comme 2,50 m. C'est là où c'est jamais aussi simple que creuser et plus profond on va, plus vieux c'est. Voilà. Il y avait des soupçons d'habitat dans cette zone-là pour qu'on ait déclenché cette recherche. Non, après c'est le hasard simplement qui a fait le hasard. Non, non, non. C'est le hasard. C'est le principe de l'archéologie préventive en fait sur des gros chantiers comme tel Donc, que ça dit celui pas des indices déjà avant de déclencher. Mais en fait, il y a tout un processus. Dès que vous avez des gros travaux, comme ça en France, on a aussi travaillé sur des travaux autoroutiers. Vous avez une obligation de sondage à effectuer. Donc après, il y a un appel d'offres aussi qui est fait. C'est pas tout le temps l'INRAP qui a ces dossiers-là. Et là, effectivement, les sondages étaient entre guillemets positifs avec des traces de vestiges, ce qui a permis d'ouvrir à la fouille. Et puis il y a d'autres sites sur les coteaux de Bayonne. Oui, bien sûr. Alors après, plus récent peut-être. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on les connaissait qu'on est venu là, c'est vraiment parce qu'il y a eu les travaux de la clinique. Préventif. Oui. Oui. J'ai une question sur la sortie d'Afrique, là. Je me demandais si dans les temps de 2,5 millions d'années, on imagine toujours la sortie là, par le Moyen-Orient. Est-ce que le niveau des mers ou le climat aurait pu faire que la sortie se fasse directement vers l'Espagne? Oui. Tout à fait. On a cette possibilité. Et d'ailleurs, en plus, de plus en plus, on a des sites très anciens qui sortent vers le Maroc et tout le Maghreb. Donc, et tout ça a beaucoup bougé, mais Gibraltar était franchissable. Et on le voit, avant même de l'avoir par les vestiges humains, on le voit sur la faune, donc les animaux. Oui. On a pu retrouver des animaux venus d'Afrique sur l'Andalousie. Donc Gibraltar, c'est possible, tout à fait. Pour l'instant, notre schéma se dessine comme ça, mais ça n'a rien de surprenant. Et c'est au climat aussi, la limitation au nord, elle y est parce qu'il y a des glaciers. En fait, peut-être qu'on ne retrouve pas des glaciers, je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas été, parce qu'on pense qu'il y avait des glaciers. Une autre explication. La limite nord, sur quelle... Sur une carte que vous avez passée. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Alors ça, c'est une carte de répartition des bifaces. Mais attention, là j'étais en train de parler vraiment de technologie lithique, pour autant des vestiges humains on en a, mais avec d'autres techniques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait sur un même laps de temps, on a des hommes un peu partout sur ce territoire, et on a beaucoup de fouilles là, notamment en Sibérie, qui sortent avec des dates très anciennes, des Denisoviens, etc. Mais par contre, on n'a pas les mêmes outils techniques. C'est la carte rouge. Les haches rouges. Oui. C'est celle-là qui était le plus important. Et du coup... Non, je ne sais plus où elle était. La rouge... C'est ce qui passe par le Gibraltar, justement. Oui, c'est le rouge. Ouais, là. On voit très bien le lien entre... En plus, on a les gros points, là, qui montrent... En fait, c'est une théorie, c'est sûr, pour le HRO. Vraiment, il y a quand même plus de tenants de la théorie diffusionniste pour les HRO et culturelle que déterministe. Déterministe, ça voudrait dire non, mais on fait des HRO parce que techniquement, avec ce que j'ai comme matière première, c'est plus simple. Mais les évidences qu'on a nous mènent quand même à penser qu'il y a une influence comme ça. C'est pour ça que du coup, c'est quand même très intéressant, ces fouilles de Saint-Pierre d'Irube et ce matériel. Et de voir justement, parce que c'était plus simple de penser qu'on aurait une continuité depuis l'Espagne du Sud jusque nous, avec une même chronologie. Mais là, on a quand même un laps de temps énorme. Hein, on a 500 000 ans d'écart. Oui. On peut réinventer les technologies aussi. Oui. Quel type d'outils avaient les gens du Nord alors? Parce que moi, je pensais qu'en fait, le biface, c'était quelque chose qui était absolument généralisé dans l'évolution. On peut avoir du galet aménagé qui persiste très longtemps quand ailleurs on connaît du biface, par exemple. Vous voyez ? Après, il y a des industries aussi beaucoup plus sommaires, beaucoup plus brutes, si vous voulez. Mais sur la période acheléenne, en tout cas, le biface, ça va être très commun à tous les traces de peuplement que l'on a. C'est le hachereau qu'on ne retrouve pas partout. Et d'ailleurs, le biface, moi, je vous ai montré... J'ai occulté pas mal les sites nord-français. Et l'Acheléen, ça vient de Saint-Achel. C'est dans le nord de la France. Et on en a vraiment des magnifiques. Et on va d'ailleurs faire des classifications comme ça, en se disant pourquoi ils sont quelque part si beaux, si évolués. En fait, c'est l'Acheléen pur, si vous voulez. Il vient du nord de la France. Et par exemple, dans le cadre de ma thèse, on étudiait le sud-ouest en se disant... C'est un peu plus curieux, on a des traces, on ne sait pas trop à quel moment les placer. Puis d'ailleurs, ça ne semble pas être vraiment la même tendance, même si au final on a le même objet. Ça reste quand même un biface. L'origine des pierres est toujours locale, ou est-ce qu'on a détecté que certaines pierres venaient d'un autre endroit pour être taillées Est-ce qu'il y a sur l'atelier quelque chose qu'on a pu détecter dans le transport, en quelque sorte, oui, d'une pierre, oui, qui n'existe qu'à un endroit et qui a été découverte ailleurs? Oui. Alors ça, on l'étudie beaucoup, évidemment. C'est les recherches de provenance. On va justement regarder les éléments de trace qu'on a dans l'outil final et dans la matière première pour voir les gisements. Et la grande tendance, c'est de voir que plus on s'approche du paléolithique moyen et récent, plus on va faire des grandes distances pour aller chercher la matière première idéale quelque part. Mais déjà, à ces époques-là, vous pouvez avoir des rayons... c'est toujours délicat de donner un chiffre, mais je dirais de 50 km facilement. Voilà. Dans le cas de Saint-Pierre-d'Irube, c'est du gisement très local. On a beaucoup de silex venu de Mouguer, par exemple. D'accord. dans les grottes de l'Ariège, autour de Tarascon, là, on a trouvé des silex qui provenaient de Galice. Oui. Ouais, les distances peuvent être... Oui. Après, voilà, on a plus les périodes sont récentes, plus on a des sites vraiment d'ateliers de taille où on peut regarder ça très très finement sur les déplacements. Est-ce que les outils retrouvés au nord de la France, les bifaces, est-ce qu'on peut les associer aux bifaces? Est-ce qu'ils sont chronologiquement de la même période que les bifaces qu'on a retrouvés Ils sont pour l'instant plus anciens que ce qu'on a dans le sud-ouest de la France. Les conclusions de ce travail de recherche en chronologie montraient quand même, étonnamment, ça ne plaisait pas trop aux préhistoriens d'ailleurs, que les dates étaient assez récentes. Donc dans le nord de la France, on a des choses à 780 000 ans, donc sans vestiges humains et tout ça, et je ne pouvais pas montrer tous les sites, mais généralement plus anciens. Donc ça... Ça définit presque un creux aussi, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a à l'heure actuelle pas ces sites ou pas ces sites datés qu'ils n'existaient pas, mais pour l'instant, c'est plus ancien. Et notre beau sud-ouest de la France, on le connaît beaucoup pour la Dordogne, mais pour des périodes justement de cohabitation de Néandertal et l'homme moderne, et beaucoup moins pour ces périodes très anciennes. Et l'abri d'Ola a été occupé à quelle période, s'il vous plaît? Alors l'abri d'Ola, on est là sur le Vasconien, c'est plus autour de 50 000 ans. Ouais. Très récent. Très récent. C'est récent. C'est du néandertalien encore? Et on l'associerait à Néandertal, oui. Ouais. Mais par déduction. Vous voyez? Cro-Magnon, c'est autour de 45 000 ans. Oui, plus. 45 000 ans. Oui. Oui, oui, voilà. Plus. Tout à fait. Moi, je m'interroge sur cette idée de diffusion que, justement, donc, le berceau de l'humanité sera en Afrique et que sera remonté par l'Espagne, par notre frontière-là. Mais le fait qu'on ait retrouvé des objets aussi anciens, voire plus anciens encore dans le nord de la France, ça remet quand même en question cette... Et tout à fait. Après on peut toujours imaginer des passages. Et il faut voir aussi que les populations, à l'époque, elles étaient vraiment en petit nombre. Jamais été aussi nombreux sur la planète, etc. Donc, après, moi, je ne suis pas du tout, une partisane de la théorie diffusionniste. Pourquoi pas? On aurait aussi peut-être... il faut vraiment, en tout cas, très malléable dans son cerveau. On peut avoir une diffusion de l'Afrique vers l'Espagne, mais qui s'arrêterait au nord de l'Espagne. On peut aussi imaginer que tout ce peuplement issu du mode 1, des galets aménagés, d'Homo erectus, perdure sur toute la partie nord de l'Europe et dans le nord de la France, et évolue en faisant du biface aussi. Donc, il faut pouvoir imaginer plein de scénarios, ouais, en effet. Mais en tout cas, on ne peut jamais rester sur des... Les cartes, c'est dangereux. Parce qu'en plus, parfois, les cartes, c'est aussi des cartes de répartition des chercheurs. Oui. Parce qu'on n'a pas d'université au Pays Basque. Et si on en avait une, on aurait peut-être aussi beaucoup plus de sites fouillés. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention à plein de choses. Pas d'université de quoi? D'archéologie au Pays Basque. Donc, fatalement, on a moins de sites fouillés. Ça joue beaucoup vraiment les cartes du monde. Quand vous regardez vraiment l'archéologie dans le monde, c'est très, très lié à, aussi au domaine universitaire et à comment est réparti les financements en recherche. Et pour l'histoire, c'est pareil. Hein. Voilà. Ces périodes très très anciennes. Par contre, les Amériques, nord ou sud, nada, rien. Ah non. Alors pendant longtemps, on a cru pour les premières traces d'occupation humaine en Amérique, elles dataient autour de 12 000 ans, parce que par le détroit de Bering, on avait un passage possible. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Avec les glaciations, on avait un passage possible. Donc, on admettait cette date à peu près de 12 000 ans pour les premiers Américains. Mais de plus en plus, on a des études, notamment au Brésil, qui repoussent considérablement ces dates. Et toujours même cheminement, au départ, avec des sites un peu controversés, des industries qui pouvaient être des géofacts, des datations à critiquer. Mais quand même, là, on commence à avoir des choses solides qui ramèneraient plus autour des 30 000. Donc, quand on corrèle ça au climat, du coup, Bering, c'est plus trop possible. Et puis, le Brésil, il faudrait un gradient quand même chronologique pour expliquer le Brésil. Donc, on commence même à imaginer les embarquements par bateau. Ben, sachant qu'en Australie, on a des traces humaines très anciennes, à 40 000. Donc, c'est pas fou. Merci.